Excellent. Passons à la astérisque astérisque partie 2, l'ascension, Pastef et percée politique astérisque astérisque. Cette partie est cruciale car elle retrace la concrétisation de l'engagement politique d'Ousmane Sonko avec la création de son parti et ses premières victoires. Voici une proposition de structure détaillée pour cette deuxième partie, décomposée en chapitres, avec des pistes pour le contenu. Astérisque astérisque partie 2, l'ascension, Pastef et percée politique astérisque astérisque. Astérisque astérisque objectif de la partie, astérisque astérisque décrire la naissance du Pastef, son idéologie, sa croissance rapide et les étapes clés de son affirmation sur la scène politique sénégalaise, de la fondation aux premières victoires électorales. Astérisque astérisque chapitre 4, le manifeste du changement, naissance et idéologie du Pastef astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque introduction du chapitre, astérisque astérisque ouvrir sur le vide politique ou l'insatisfaction citoyenne qui a précédé la création du Pastef. Positionner la naissance du parti comme une réponse à un besoin. Astérisque astérisque astérisque 4 points. Contexte et impulsion de la création astérisque astérisque. Astérisque le paysage politique sénégalais post-radiation de Sonko, 2016, quels étaient les partis dominants, les frustrations de la population? Astérisque la nécessité de créer une nouvelle force politique, l'impossibilité d'agir efficacement sans structure. Astérisque les figures clés autour de Sonko lors de la fondation, qui étaient les premiers compagnons? Astérisque astérisque astérisque 4.2. La fondation officielle et les principes directeurs astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque fait, astérisque astérisque fondateur en 2014 du parti Pastef, patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, point. Note, votre synthèse dit 2014, mais la radiation est 2016. Il faudra clarifier la chronologie de la fondation et l'engagement de Sonko. Astérisque décortiquer le nom du parti, patriotes africains, travail, éthique, fraternité. Que signifient ces valeurs pour le Pastef? Astérisque l'idéologie du parti, un parti politique sénégalais de gauche. Comment se manifeste cette orientation? Sociale, économique, justice. Astérisque les premières publications, les documents fondateurs, le programme initial. Astérisque astérisque astérisque 4.3. Une nouvelle voie, le discours anti-système et anti-corruption astérisque astérisque. Astérisque le positionnement du Pastef, un mouvement de rupture avec le système politique traditionnel. Astérisque la dénonciation de la corruption, les arguments, les preuves, si Sonko avait déjà des éléments. Astérisque le discours souverainiste dès les premières années, premières évocations de la gestion des ressources, du franc CFA. Astérisque comment ce discours a-t-il résonné auprès de la population, notamment la jeunesse? Astérisque astérisque chapitre 5, les victoires locales, Ziguinchor et les territoires astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque introduction du chapitre, astérisque astérisque montrer comment le Pastef a commencé à s'implanter et à remporter des succès concrets, construisant sa légitimité de terrain. Astérisque astérisque astérisque 5 points. L'élection comme député, 2017, première percée nationale astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque fait, astérisque astérisque député de 2017 à 2022. Astérisque les conditions de cette élection, la stratégie, la campagne, l'accueil des électeurs. Astérisque le rôle du député Sonko à l'Assemblée nationale, ses interventions, ses propositions, sa visibilité. Astérisque le Parlement comme tribune pour dénoncer et proposer. Astérisque astérisque astérisque 5.2. La conquête de Ziguinchor, 2022, une base stratégique astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque fait, astérisque astérisque maire de Ziguinchor de 2022 à 2024. Astérisque l'importance de Ziguinchor, une ville clé, symbole de la Casamance, ses enjeux politiques et sociaux. Astérisque la campagne municipale, les thèmes abordés, la mobilisation des électeurs. Astérisque les premières actions en tant que maire, les défis, les réalisations symboliques. Astérisque pourquoi cette victoire a-t-elle été si significative pour le Pastef? Astérisque astérisque astérisque 5.3. L'implantation du mouvement citoyen astérisque astérisque. Astérisque la construction du parti sur le terrain, les sections locales, l'engagement des militants. Astérisque le rôle des patriotes au-delà des cadres officiels du parti. Astérisque comment le Pastef a-t-il réussi à mobiliser différentes couches de la population, jeunesse, femmes, diaspora? Astérisque astérisque chapitre 6, le PASTEF face aux épreuves, dissolution et résilience astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque introduction du chapitre, astérisque astérisque ce chapitre montrera la capacité du parti à résister aux pressions et à renaître de ses cendres. Astérisque astérisque astérisque 6.1. La dissolution de juillet 2023, un coup dur astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque fait, astérisque astérisque dissous par le gouvernement en juillet 2023 pour des appels présumés à des mouvements insurrectionnels. Point. Astérisque le contexte politique de cette dissolution, les tensions, les manifestations, la confrontation avec le pouvoir en place sous Macky Sall. Astérisque les conséquences immédiates pour le parti, arrestation, interdiction d'activité, gel des comptes. Astérisque comment les militants et cadres ont-ils réagi à cette décision. Astérisque astérisque astérisque 6.2. La résistance et la stratégie de survie astérisque astérisque. Astérisque la période de clandestinité ou de semi-clandestinité, comment le parti a-t-il maintenu son activité? Astérisque le rôle des réseaux sociaux et de la diaspora pour contourner l'interdiction. Astérisque les actions de soutien national et international en faveur du PASTEF. Astérisque la résilience de la base militante malgré la répression. Astérisque astérisque astérisque 6.3. La renaissance, l'abrogation du décret et la légitimité retrouvée astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque fait, astérisque astérisque le décret de dissolution a été abrogé le 27 mars 2024, trois jours après la victoire de Bassirou Diomaye Faye à l'élection présidentielle. Astérisque l'importance symbolique de cette abrogation, une victoire légale et politique. Astérisque la restauration du statut officiel du parti, les implications pour sa capacité à agir et à se projeter. Astérisque comment cette épreuve a-t-elle renforcé l'image du PASTEF comme un parti persécuté mais résilient? Dies conseil pour la rédaction de cette partie. Astérisque astérisque astérisque chronologie, astérisque astérisque soyez très précis avec les dates, surtout pour la fondation du parti, la radiation de Sonko, et la dissolution à abrogation. Si la date de fondation, 2014, est antérieure à la radiation, 2016, expliquez comment Sonko a pu s'engager syndicalement puis fonder un parti tout en étant encore inspecteur, ou si le parti a été fondé plus tard, ou si Sonko en était l'initiateur mais n'en a pris la tête qu'après 2016. Astérisque astérisque astérisque contexte, astérisque astérisque toujours replacer les événements dans le contexte politique et social sénégalais de l'époque. Astérisque astérisque astérisque voix des militants, astérisque astérisque si vous avez des extraits de témoignages de militants ou de la diaspora sur ces périodes, c'est le moment de les intégrer. Astérisque astérisque astérisque citation, astérisque astérisque utiliser les citations des discours fondateurs du PASTEF ou des déclarations de Sonko de l'époque. Cette structure devrait vous permettre de développer la partie 2 de votre livre avec beaucoup de détails et de profondeur. Astérisque astérisque souhaitez-vous que nous détaillions un chapitre spécifique de cette partie 2, par exemple, le chapitre 4 sur la naissance du PASTEF, en clarifiant la chronologie, ou préférez-vous que je passe à la structure de la partie 3, l'épreuve, astérisque astérisque http://googleserconte.com image-bas génération-bas comptant 11.